Nous luttions. C'est le sort des hommes et du blé d'être fauchés sans voir la faux. Un petit nombre de fantômes rôdait encore dans la pénombre. Mon gamin de tambour continuait son bruit. Nous tirions par-dessus la mur presque détruit. Mes enfants, vous avez un jardin. La mitraille était sur nous, gardien de cette âpre muraille, comme vous sur les fleurs, avec votre arrosoir. Vous ne vous en irez qu'à 6 heures du soir. Je songeais, méditant tout bas cette consigne. Des jets d'éclairs, mêlés à des plumes de cygne, des flamèches, rayant dans l'ombre les flocons, c'est tout ce que nos yeux pouvaient voir. « Attaquons !» me dit le sergent. « Qui ? » dis-je, « on ne voit personne. » « Mais on entend. Les voix parlent, le clairon sonne. Partons, sortons. La mort crache sur nous, ici. Nous sommes sous la bombe et l'obus. Restons-y. » J'ajoutai. « C'est sur nous que tombe la bataille. Nous sommes le pivot de l'action. » « Je bâille, » dit le sergent. Le ciel, les champs, tout était noir. Mais quoi qu'en pleine nuit, nous étions loin du soir. Et je me répétais tout bas, jusqu'à 6 heures. « Morbleu, nous aurons peu d'occasion meilleure pour avancer, » me dit mon lieutenant. Sur quoi, un boulet l'emporta. Je n'avais guère foi au succès. La victoire, au fond, n'est qu'une garce. Une blême lueur dans le brouillard éparse éclairait vaguement le cimetière. Au loin, rien de distinct, si long que l'on avait besoin de nous, pour recevoir sur nos têtes les bombes. L'empereur nous avait mis là, parmi ses tombes. Mais, seuls, criblés d'obus, et rendant coup pour coup, nous ne devinions pas ce qu'il faisait de nous. Nous étions, au milieu de ce combat, la cible. Tenir bon, et durer le plus longtemps possible. Tâcher de n'être mort qu'à 6 heures du soir. En attendant, tuer, c'était notre devoir. Nous tirions au hasard, noirs de poudre, farouches, ne prenant que le temps de mordre les cartouches. Nos soldats combattaient et tombaient sans parler.